ramer, raber, râler, taffer, rafler tout. Je me suis surpassé, j'ai ravalé mes lacunes, je suis passé outre. Vous n'êtes pas prêts, pas prêts, l'étrange s'offre à vous. Le sortilège est en mode hypnotise les tous. Je viens envahir Yunkai Daenerys. Je vous avais caché les risques. Mon ambition et mon âme manquaient de parallélisme. La plante médicinale souvent me paralyse. À l'aube du reste de ma vie, je sais pour qui je veux faire mes preuves. Je suivrai le courant de ce fleuve. Qu'importe vos dires, l'ignorance sera mon arme. Mon parcours, je l'ai construit, personne n'obtiendra mon âme. Carpe diem. Je cueillerai bien le jour présent sans me soucier du lendemain. Mais quand je me déconnecte, y'a le futur à portée de main. Je ne suis pas là pour vous mettre d'accord. Chill, chill, chill, si te convient le décor. Tout se déroule entre deux époques. Mille styles mystiques, fixe de métaphores. Le son c'est ma taupe. Je le pratique depuis gamine, l'écriture j'étais ado. L'arme c'est ma dose. Les critiques sont le tarot. Les critiques sont le tarot. Même les battements de mon cœur me font vibrer. Venez dans le tempo, je vous emmène en virée. Si vous planez, si vous planez, le sort vous a envoûté. À l'aube du reste de ma vie, je sais pour qui je veux faire mes preuves. Je suivrai le courant de ce fleuve. Qu'importe vos dires, l'ignorance sera mon arme. Mon parcours, je l'ai construit, personne n'obtiendra mon âme. Carpe diem. Je cueillerai bien le jour présent sans me soucier du lendemain. Mais quand je me déconnecte, y'a le futur à portée de main. Carpe diem. Carpe diem. Carpe diem. Carpe diem, carpe diem. Surnaturel, je te sors des trucs intemporels. Surnaturel, je te sors des trucs intemporels. Surnaturel, je te sors des trucs intemporels. Pio, pio, pio, pio. Addiction te shoot, shoot, shoot. Pio, pio, pio, ta vision te rend flou, flou, flou. Pio, pio, pio, pio, l'addiction te chaude, chaude, chaude. Carpe diem, carpe diem, carpe diem, carpe diem, carpe diem.